La légende de Noël. Un frisson parcourut la ville. Pendant une seconde, le silence fut roi. Et puis, le palais se fissura avec fracas. Une ombre titanesque en émergea. Elle déploya deux ailes immenses qui projetèrent leur ombre sur tout le royaume. Un colosse à la peau plus noire que la nuit se dressait devant nous, les bras croisés. Derrière ses traits démoniaques, on devinait ceux de l'oncle de Mary. Il jeta un regard incandescent sur la ville. Une légère brume se leva. Brusquement, tout le monde fut pris de panique, comme faisant face à son pire cauchemar. Impuissant, je vis Imi se recroqueviller, grelottant, terrorisé. Mary fondit en larmes et se mit à courir après un fantôme qu'elle ne rattraperait jamais. Nora s'écroula, ses mains serrant sa poitrine. Je me suis précipité vers elle. Elle trouva assez d'énergie pour me rassurer d'un murmure avant de fermer les yeux. La colère m'envahit. Je me détestais de ne pouvoir rien faire. Je maudis les esprits des glaces de m'avoir donné un pouvoir qui n'avait servi à rien. Il se passa alors quelque chose d'étrange. Une porte se découpa dans l'air, juste devant moi. Une porte toute bête, en bois, aussi modeste que celle de ma maison. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Le chaos redoublait. Le titan cauchemardesque contemplait son œuvre, satisfait. Je sus quoi faire pour tout arranger. J'ouvris la porte. Une lumière froide comme la mort m'aveugla. Je fermai les yeux et passai le seuil. La porte se referma toute seule. J'étais dans un tunnel qui ressemblait au couloir souterrain d'un château. En dehors du crépitement des torches dont les flammes léchaient les vieux murs, le silence était total. Je n'entendais même pas le bruit de mes pas. J'étais seul, parfaitement seul dans ce couloir si long que je me demandais s'il avait une fin. Le doute s'insinua dans mon esprit. Comment avais-je pu penser tout arranger en passant cette porte? Et si c'était mon cauchemar? Un piège qui me condamnait à marcher pour l'éternité? Je me mis à pleurer à chaudes larmes, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le désespoir s'empara de moi. J'allais m'effondrer lorsque je vis, surgit des ombres, la silhouette de Nora s'avancer vers moi. Arrivée à ma hauteur, je tendis une main vers elle. Quand mes doigts touchèrent les siens, l'image se brouilla comme la surface d'un lac. Elle me sourit, sans rien dire, et me fit signe de la suivre. On avançait en silence. Par instants, mon ami tournait la tête pour s'assurer que j'étais toujours là. Ce maudit tunnel avait une fin. Une porte, similaire à celle que j'avais ouverte pour arriver ici. Nora passa au travers. Je tournai la poignée et l'ouvris sur un monde de cauchemars. Sous mes yeux, s'étalait un monde en ruine, recouvert de cendres plongées dans la pénombre. La porte se referma dans mon dos, m'obligeant à mettre un pied sur cette étendue dévastée où rien ne vivait, pas même un brin d'herbe. Nora s'éloignait. Elle se retourna et s'arrêta, souriante. Je me précipitai pour la rejoindre. Marcher me demandait un effort de tous les instants. À chaque pas, je m'enfonçais dans la cendre, parfois jusqu'à mi-mollet. L'air était si sec que mes yeux me piquaient. Pourquoi avais-je passé cette porte ? Pour affronter l'inconnu, je n'avais rien d'autre que mon précieux couteau à bois. Les ruines laissèrent place à un terrain vague infini. Pas un chemin à l'horizon pour me donner l'espoir d'arriver quelque part. L'angoisse me tailladait l'estomac. Une colline finit par se dresser au loin. Une fine colonne de fumée noirâtre s'en élevait, se perdant dans le ciel nocturne. Arrivé au pied de la colline, je le vis, planté à son sommet, un arbre malfaisant. C'est de lui qu'émanait la colonne de fumée. Comme si ce n'était pas assez étrange, son tronc portait deux yeux qui me fixaient méchamment. Un regard d'une noirceur absolue qui me rappela celui du démon. Je n'entendais plus que les coups sourds de mon cœur embrasé de colère. Un grognement furieux fit frémir la colline. Un énorme molosse surgit du sol pour me barrer le passage. Sa gueule débordait de dents aiguisées, ses yeux rouges brillaient d'une intelligence mauvaise. Par réflexe, je saisis mon couteau. J'avais l'air si ridicule que je crus entendre le monstre lâcher un petit ricanement. Je ne voulais pas finir dévoré. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour rien. Alors j'ai hurlé avec tant de rage qu'un ours aurait pris peur. Mais le cerbère bondit. La peur me pétrifia. C'était fini. Alors,